Moi je trouve quand même que ça fait un peu cliché, tu vois, le disque qui commence avec le machin, genre pour le disque. Enfin, c'était fait et refait, tu veux dire. Et on n'a qu'une occasion de faire une première impression, quoi. Hein?